Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente une rencontre exceptionnelle et audacieuse entre deux génies, l'un philosophe, l'autre compositeur. Quand Platon s'invite dans l'opéra de Mozart, le résultat est aussi surprenant que convaincant. Le musicologue et philosophe André Tuboeuf est en studio avec nous aujourd'hui pour orchestrer cette rencontre. Attendez, et ça vous connaissez ? Oui, je connais. Ah, c'est très charmant. Ça, c'est de Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart, c'est aussi et d'abord celui qui a résolu les problèmes avant même qu'ils ne se posent. Celui qui nous montre les passions comme vues d'oiseaux ou d'anges, affranchis de toutes circonstances terrestres. Son art a beau être transfiguré, idéalisé, épuré de tout ce qui pourrait être dit réalisme, il n'en embrasse pas moins tous les aspects de notre sensibilité, nous les vivants. Prenez l'air des marronniers de Suzanne. Les airs en La majeur de Belmonte et Ferrando, celui d'Ottavio en Sol majeur. Sous couvert de la mélodie mozartienne, c'est Eros même qui vient toucher nos sensibilités. C'est l'amour sous ces espèces parfaitement exquises, parfaitement pures. Comment ne pas penser à l'idée chez Platon, modèle et origine, se projetant dans le visible de la vie. De cette mélodie, je dirais d'elle qu'elle est comme l'idée chez Platon, comme les modèles originels. L'œil ne saurait les saisir, ni la raison non plus. Nous l'a fait pressentir notre sensibilité, et c'est une grâce des dieux. Nous la respirons par l'oreille. Bonjour André Tuboeuf. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Je vous ai présenté comme musicologue et philosophe. En réalité, vous avez beaucoup écrit, non seulement sur la philosophie, mais sur les musiciens. Un livre qui s'appelle Mozart, Chemins et Chants, aux éditions Actes Sud. Mais vous avez également écrit sur Bach, sur Verdi, sur Beethoven, Strauss, Wagner. Quelle place tient Mozart dans votre cœur parmi tous ces compositeurs ? Mozart, une place tout à fait à part. Mais je pense que c'est comme pour chez tout le monde. Ce que nous venons d'entendre, on a entendu une voix qui disait « Ah, Mozart !» Comme si tout d'un coup on rentrait dans un autre pays, même que celui de la musique. C'était quelque la voix chose... de Salieri dans le film Amadeus. C'est quelque chose comme une intervention d'un autre monde, c'est-à-dire à la fois quelque chose qui vient d'extrêmement loin, qui porte le signe de ce qui vient de loin, mais qui est d'une facilité à assimiler, d'une bienveillance, d'une démarche hospitalière qui fait qu'on se sent toujours tout de suite de plein pied avec, et comme s'il y avait en quelque sorte prédestination entre ce que nous entendons, ce que nous découvrons maintenant par le fait de la musique, et quelque chose que nous portions profondément dans notre cœur et qui ne trouvait pas au juste la résonance correspondante. Et Mozart la porte. Et autant que j'ai pu le voir à tout le monde, il y a dissension sur tous les autres auteurs de musique. Mais sur Mozart, et sur Mozart seul, je crois, il y a cette espèce d'unanimité de la sensibilité, parce que il y a unanimité sur Bach aussi, bien entendu, mais enfin, éventuellement, comme s'il restait dans une tour où, pour toute une partie de son œuvre au moins, seuls des professionnels ou des spécialistes peuvent le rejoindre. Il y a chez Bach ce côté du prodigieux artisan professionnel dans l'atelier duquel il ne faut pas venir mettre son nez parce qu'on ne comprendra pas tous les assemblages des pièces. Mozart, on comprend. Mozart, c'est le plein pied. Mais en même temps, c'est la transcendance. Alors justement, c'est là peut-être qu'on en arrive à Platon. À la fois on est de plein pied, en même temps de la transcendance, vous avez parlé de prédestination. C'est comme si la musique de Mozart était un intermédiaire entre nous-mêmes, notre cœur, et quelque chose qui existe sans nous, qui serait peut-être une idée. Mais écoutez, chez Platon, il y a une notion absolument centrale et opératoire et essentielle qui est la réminiscence. Et la réminiscence, c'est Socrate disant au petit esclave de Ménon, on connaît de Socrate son « je sais que je ne sais pas », on connaît moins et on souligne moins ce qu'il pourrait avoir dit au petit esclave de Ménon, « et toi, tu ne sais pas que tu sais. Et je vais te montrer comment faire en sorte que ce que tu sais dans ta profondeur vienne à ta surface et que tu en prennes conscience. » Et alors, bien entendu, cette opération semble, si elle doit avoir une raison d'être, une logique et être d'une certaine manière intelligible, il faut qu'elle se réfère à comme une espèce de mémoire non individuelle, qui n'est pas celle de notre propre biographie, et par laquelle, d'une certaine manière, nous participons tous à la même sensibilité, une sensibilité qui aurait une mémoire plus profonde et qui serait intelligiblement la mémoire des idées et sensiblement la mémoire de quelques modèles. Et parmi ces modèles, au premier rang de ces modèles, la mélodie de Mozart, puisque la mélodie était sûrement un modèle, et un modèle qu'on ne voit pas copier sur quoi que ce soit au monde, donc un modèle originel en qui ce serait, si je puis dire, cristallisé d'abord, et incarné ensuite au théâtre, dans une autre proximité et dans une autre transcendance, les personnages prodigieux de Mozart. Précisons que lorsqu'on parle de pensée platonicienne, ou même de l'exercice socratique qui consiste à faire accoucher son interlocuteur d'une vérité qu'il possède déjà sans le savoir, c'est ce qu'on appelle la maïeutique. Le présupposé est qu'il y a d'un côté les idées, avec un I majuscule pour Platon, et de l'autre les corps, qui sont parfois le réceptacle de ces idées. Et cette distinction, ce dualisme entre le monde des idées et le monde sensible, disons, traverse toute la pensée platonicienne. Dans le cas de Mozart, et c'est Richard Strauss qui fait ce parallèle dans le texte qui a ouvert cette émission, vous l'aurez peut-être reconnu, dans le cas de Mozart, si l'on part du principe qu'il y a une idée qui appartient à tout le monde et un corps dans lequel elle s'incarne, ça veut dire que les personnages de l'opéra de Mozart sont en eux-mêmes l'incarnation d'une idée qui oui, les dépasse. Oui, oui. Et du fait même que Richard Strauss, mais cela c'est un sentiment qu'il a lui-même, enfin par une espèce de chaleur, que comme compositeur il avait lui aussi, et une sympathie pour les personnages que comme compositeur il avait lui aussi, à l'exemple de Mozart d'ailleurs, dont il s'est inspiré toute sa vie. Et il faut dire que l'incarnation, c'est cela, l'incarnation, c'est-à-dire quelque chose qui visiblement vient d'ailleurs, d'un ciel qui en principe est à distance de la terre, d'une façon telle que le contact ne puisse pas être possible, que la circulation de l'un à l'autre ne puisse pas être possible. Et il y a ces go-between, il y a ces métaxus de la pensée platonicienne, ces êtres intermédiaires qui circulent de l'un et de l'autre côté de la barrière et qui sont donc par essence, pour nous, des visiteurs et porteurs d'une beauté qui n'est pas la beauté de ce monde, d'une vérité qui n'est pas la beauté de ce monde et que par les moyens de ce monde nous ne pourrions pas atteindre, mais qu'ils sont là pour nous donner. Mais ce sont les personnages des opéras de Mozart ou la musique ? La chose importante, c'est que les personnages de Mozart, même s'ils les empruntent à des librettistes et des librettistes aussi géniaux que Da Ponte, à partir du moment où il les met en musique, ils deviennent purement et simplement du Mozart. Je veux dire que dans le chérubin que nous entendons, dans la comtesse que nous entendons, nous oublions Da Ponte, nous disons merci à Da Ponte d'avoir procuré des mots tellement bons, mais c'est Mozart qui nous saute au cou, quoi, dans le chérubin. Alors on va essayer de prendre des cas particuliers, pourquoi pas dans les Noces de Figaro, puisque vous l'évoquez, André Tuboeuf, pour voir comment une idée ou l'idée peut s'incarner dans les corps des personnages des opéras de Mozart. Peut-être essayons de préciser les choses avant, c'est pas l'idée en général, c'est peut-être une certaine idée, c'est l'idée de l'amour en fait qui s'incarne. De toute façon, si vous me le permettez, quand on parle des idées avec un grand I, je crains qu'on évoque plutôt qu'une espèce de forte distinction et séparation d'avec le monde sensible qu'il y aurait chez Platon, plutôt ce qu'on a fait de Platon dans la suite. c'est-à-dire quelqu'un qu'on veut réduire à des idées, dont l'héritage serait principalement les idées, alors que son héritage, à mon sens, est plutôt qu'il ait toujours insisté sur le devoir de passage d'une expérience qui est celle de la sensibilité à une expérience plus lointaine qui est la recherche des idées. Donc, il ne donne pas toujours la clé, bien entendu. Peut-être même n'y a-t-il pas de clé que nous puissions mettre dans nos mains. Mais nous sommes suffisamment avertis du problème pour repérer les signes. Et les signes, voilà, c'est, je ne veux pas abonder dans ce sens-là, mais c'est un évangile. Quelque chose qui est apporté par des angeloi, par des anges. Et parmi ces anges, Eros, qui chez Platon participe à la fois d'un monde et de l'autre, et Mozart, qui par là même, selon ce qu'en dit Richard Strauss, est en quelque sorte arraché à sa naissance dans notre monde sensible pour être rapatrié dans le monde qui vient nous parler avec lui et qui est son monde d'origine, destination, c'est-à-dire, je ne dirais pas le monde des idées parce que derrière le mot idée, il y a quelque chose d'intellectuel et de forcément rationnel ou ramenable à la rationalité qui ne marche pas. Je dirais plutôt le monde de l'esprit, le monde de l'âme, le monde des essences, parce que là, la coupure intelligible et dualiste est quand même moins marquée qu'avec les idées mises trop en avant. Alors, prenons un exemple de cet Eros incarné au sein de l'opéra, Les Noces de Figaro. Par exemple, je vous propose qu'on commence avec l'air du chérubin. Bien. Alors, je présente rapidement, chérubin a volé à Suzanne un ruban appartenant à la comtesse, on lui est fou amoureux, et il explique à Suzanne comment cet amour lui fait perdre toute forme de repères. Et donc l'air qu'on va entendre va évoquer le trouble de l'amour et la palpitation du cœur qui se perd. Ouais. Alors comment procédez-vous à partir de la thèse qu'émet Strauss dans le texte que nous avons entendu André Tuboeuf, qui montre bien que le lien qu'il peut y avoir entre la philosophie de Platon et les personnages de l'opéra de Mozart? Est-ce que vous dites que par exemple dans cette ère de chérubin, absolument sublime, c'est la voix d'Eros que l'on entend ou c'est une incarnation de ce que pourrait être Eros? Comment vous procédez? Il y a peut-être dans mon cas particulier quelque chose de plus particulier, parce que je me souviens des premières noces que j'ai vu au théâtre, et c'était à Bruxelles avec l'Opéra de Vienne, et il y avait Senna Jurinats, cette même chanteuse qui était dans sa toute première fraîcheur. Et j'ai eu simplement l'impression que quelque chose et que quelqu'un me sautait au cou, se jetait dans mes bras, implorait quelque chose comme le partage de l'amour et le débordement de l'amour. Et ça, c'est un fait d'incarnation. Ça échappe complètement à des données idéales ou à des données intellectuelles. C'est complètement l'incarnation de quelqu'un. C'est la voix, donc. Dans la voix, mais dans le geste, et même dans le costume, à l'époque où les mises en scène respectaient une espèce de décence du costume, enfin, et d'appropriation du costume à la chose qui est en train de se jouer. C'est tout cela dans un ensemble, mise en scène au théâtre, produit par la fausse vie du théâtre, avec tous les éléments décoratifs, visibles, visuels, de la vraie vie. Et c'est cela qui, par miracle, vous saute au cou, alors que l'opéra, c'est toujours décoratif, c'est toujours faux, c'est toujours fabriqué, c'est toujours l'artifice même. Et ici, il n'y a rien à faire à travers Mozart. C'est l'acte même par lequel l'idée et l'essence, si elles existent, trouvent à nous parler. Et je n'ai pas cessé d'être ému par cette chose-là qui me rappelait le merveilleux mot de Mozart qui montre la même détresse que Chérubin quand il sautait à 10 ans ou à 8 ans à Vienne dans les bras des archiduchesses en leur disant « M'aimez-vous, m'aimez-vous. Non so più cosa son, cosa faccio. » Mozart se réincarne là-dedans, c'est l'enfant. Je ne sais plus qui je suis, ce que je fais. Chérubin chante ça, c'est une femme, vous l'avez dit, hein, qui chante la partition de Chérubin. C'est ici, Séna Jurinac, dans une version de 1952 d'ailleurs. Ce qui jette le trouble, peut-être ce trouble sur le genre et sur l'identité sexuelle, est aussi un vecteur d'universalité. Vous dites que Mozart nous touche directement. Vecteur de quelque chose, mais enfin, il est clair que alors, ça a été écrit à une époque qui sortait à peine d'un arrière-plan où les travesties étaient menées absolument courantes à l'opéra, en héritage d'ailleurs d'un temps où on n'aurait pas mis une femme sur une scène d'opéra. Donc, voir arriver quelques personnages particulièrement juvéniles et encore ambigus du point de vue, voilà, de leur détermination selon le genre, c'est plutôt devenu une nouveauté, enfin, que précisément un personnage soit commis, si je puis dire, à révéler, à nous révéler, en plein jour, le plein faux jour du théâtre. Eh bien, l'ambiguïté du genre, et ce qu'il reste de féminin dans le masculin, ce qui pointe de masculin dans quelque chose qui reste encore féminin, et une chaleur qui n'appartient en propre à aucun des deux sexes, et dont on peut dire qu'en un sens, elle est la chaleur propre de Mozart. Et là aussi, Mozart est, si je puis dire, métaxu, c'est-à-dire, cette fois-ci, non pas entre deux mondes, mais entre deux genres. Intermédiaire, oui. Enfin, lien qui est une idée de... Dieu sait qu'il était homme, mais, du point de vue de la sensibilité, il était celui qui comprend la sensibilité qu'il ne partage pas et qui n'est pas la sienne d'une manière native. Il est celui qui comprend le regard des autres, le chagrin des autres, la joie des autres, même s'il n'est pas capable de se la donner à lui-même. Qu'il les comprend ou qu'il les saisit ? Qu'il peut les exprimer sans forcément les ressentir. Il les exprime sans avoir besoin de les ressentir lui-même, c'est-à-dire qu'il a une sensibilité qui lui donne quelque chose d'infiniment plus inventeur qu'il n'y en aurait chez quelqu'un qui chercherait exactement dans une direction. Mozart ne cherche pas. Si je puis dire, il tâte. Et il est comme Socrate, qui va faire sortir la chose qui n'est pas sue et la porter à jour. Alors c'est précisément peut-être le jalon qui nous manque. Comment passez-vous du constat d'une sensibilité sans doute universelle que Mozart parvient à saisir et à dépeindre au postulat de l'existence de quelque chose d'autre, d'une espèce de vérité que cette sensibilité nous indiquerait. Finalement, on pourrait très bien se dire, Mozart nous touche, Mozart nous comprend, pourquoi pas, puisque vous l'avez dit, Mozart nous parle directement, de manière immédiate, ce qui est très rare, d'avoir un accès direct au réel. Et c'est tout, sans dire que forcément cela indique qu'il y a une prédestination, qu'il y a un autre monde derrière vers lequel il nous conduirait. Mais je ne pense pas du tout qu'il y ait un système chez Mozart. Mozart ressent cela, il éprouve cela, il trouve cela en lui. Il met les mains devant lui en marchant et il sent la sensibilité des autres. Il rencontre Pamina dans la flûte enchantée. Il rencontre quelque détresse que ce soit qu'il n'a pas expérimenté lui-même. Mmh. Et il sait comment cette détresse va trouver sa meilleure expression. Et par sa meilleure expression, à la fois se libérer elle-même et à la fois nous toucher au plus profond de notre sensibilité à nous, qui à son tour se dit « Ah tiens, mais il y a ça ». À côté de quoi j'étais toujours passé dans la vie sans y être attentif. Et voilà, Mozart, comme un Socrate intervenant d'une autre manière, venait nous rappeler aux capacités fabuleuses de notre propre réminiscence. Oui, ou on pourrait lire sans forcément comme étant le signe d'une réminiscence, mais au contraire comme étant la meilleure invitation à une réconciliation ici-bas avec ce que nous sommes et ce que la vie ici-bas nous apporte. C'est-à-dire qu'au fond, que tant de beauté, tant de génie, tant de perfection et de pureté soient possibles par le biais de Mozart, donc d'un être humain comme nous, ici-bas, peut-être congédie rend absolument inutile toute forme de prédestination, de réminiscence et autres. Non, non, mais enfin... Parce qu'on dit toujours Mozart serait peut-être... C'est Dieu qui parle à travers Mozart, quelque chose de divin. Mais au contraire, il est peut-être... Non, pas du tout, c'est absolument humain. Je veux dire, Mozart est celui qui nous montre que s'il y a un paradis, ce paradis est chez les humains. Enfin, qu'il faut qu'ils le trouvent eux-mêmes et qu'ils le trouvent. Simplement, pour le trouver, il faut plutôt qu'ils tournent leur oreille vers le dedans que leur regard vers le dehors, cette espèce de regard constructeur qu'on trouve essentiellement chez Bach, et Mozart nous incline vers le dedans. Mais quand je parle de réminiscence platonicienne, je suis obligé de parler de réminiscence platonicienne. Je ne pense pas du tout à une prédestination. Je pense tout à fait au contraire à une plongée dedans, un regard qu'on porte sur soi, une profondeur de soi-même que tout d'un coup on trouve. Et qu'est-ce qui se trouve dans cette profondeur ? Les vérités que nous cherchions dehors. Donc ce sont des vérités. Je ne sais pas si vous en connaissez d'autres, mais je ne pense pas que même en lisant les plus sérieux philosophes de la manière la plus attentive et aride, on les voit jamais trouver aucune vérité qui soit la vérité pure de la logique et de la construction. Autant chercher dedans, et là, Mozart vient apporter une voix et creuser en nous une oreille pour le même genre de recherche qu'intellectuellement et humainement nous avons à faire. Mais vous savez, moi, de Platon, je pense qu'il est d'abord et essentiellement Socrate, c'est-à-dire celui qui, en tâcheron et en artisan, passe son temps à essayer de réconcilier le sensible avec l'intelligible, et à dire de toute façon, vos sens vous trompent peut-être, mais il n'y a que vous ayez pour aller où que ce soit. Voilà. Que ce soit dans le domaine des sens ou dans le domaine de l'intelligible, vous avez ça et vous n'avez rien d'autre. C'est très important. Mais je pense que c'est important. Parce que sinon on pourrait vous objecter, mais alors oui, mais justement la musique appartient au domaine de la création artistique que Platon condamne, donc, parce de que l'erreur ça sème le trouble dans la cité, etc. Voilà. Or, il est de même que Pascal est plus clément avec le divertissement que ce qu'on dit, Platon est beaucoup plus clément avec le monde sensible. Bien sûr, mais Pascal sait que nous vivons dans le divertissement. Nous n'avons pas le choix. Nous avons à aménager ça le mieux possible. Et Pascal, lui aussi, a besoin d'un go-between qui vienne lui parler de quelque part où les autres n'accèdent pas. Quand il est devant les espaces infinis qui commencent à lui parler, nous pouvons croire qu'en effet, ces espaces lui parlent. Parce qu'il a fait le chemin pour y aller. Conduit par quoi ? Et lui, c'est le silence qui l'effraie dans les espaces infinis, d'ailleurs, et pas la musique. Des grands textes longtemps médités, et d'une certaine manière, une recherche qu'on a abandonnée. L'important, c'est cela, c'est abandonner la recherche, c'est abandonner la construction personnelle, c'est abandonner de se dire qu'on est le maître et l'instrumenteur en chef du monde. C'est laisser parler les choses. Laisser parler. Laissons parler et chanter. La comtesse, on retrouve les noces de Figaro, avant d'entendre un autre texte un petit peu plus tard. On a entendu l'air de Chéribin, l'air de la comtesse qui, délaissée par son mari qui courtise Suzanne, eh bien se lamente sur sa solitude. Écoutez, c'est une interprétation d'Elisabeth Schwarzkopf. Oh. Toute la question étant de savoir, lorsqu'on reprend la parole ou le cours de sa vie après avoir écouté un air d'une telle beauté, eh bien, est-ce que la vie est plus belle ou au contraire paraît plus fade, car tout est plus fade que cet air? Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, vous venez d'entendre l'air de la comtesse dans les noces de Figaro, dans le cadre de cette série d'émissions sur Mozart. Aujourd'hui, en compagnie du philosophe André Tuboeuf, les noces de Figaro, pour vous, c'est l'opéra qui vous est le plus cher de Mozart? C'est le plus immédiat. Ça veut dire quoi? Il faut bien dire, écoutez, il y a trois grands opéras de Mozart en vérité, les trois qu'il a fait avec Da Ponte en succession. Et il n'est pas impossible de dire qu'une fois cette collaboration terminée entre deux personnes qui parlaient vraiment le même langage et qui allaient dans le même sens, les opéras que Mozart a fait ensuite, c'est-à-dire la Flûte enchantée et la Clémence de Titus, avec toutes les vertus qu'ils peuvent avoir, sont tout de même des sortes de retours à une imperfection précédente, c'est-à-dire à l'opéra qu'on fait n'importe comment, alors qu'il y avait... Vous êtes sévère? Non, mais il faut être sévère, parce que la barre étant extraordinairement haute avec les trois autres, il reste tout à fait de la place pour la Clémence de Titus et la Flûte, et nous serions bien heureux et très suffisamment garnis. Mais, avec Figaro, Mozart a fait ce que personne n'avait jamais fait. Il a fait parler, il a fait chanter les gens du commun. Il nous amène dans un château où le personnage détestable, c'est le comte, et où les personnages sympathiques et héros et protagonistes en vérité, c'est un serviteur et une servante. C'est-à-dire que, humainement, Mozart, grâce à Da Ponte et à Beaumarchais, rapatrie sur notre terre l'opéra qui était en train de s'envoler dans des Händel-ries avec des casques et des miroitements et des aventures de Roland Furieux ou d'Armide. Bon, là, on est rapatrié dans la réalité. Et cette réalité, peu à peu, va s'affiner de plus en plus, perdre ce support de réalité que Don Giovanni garde encore un peu, mais quasi plus du tout. Et cette épuration progressive se fait parce que on a commencé avec les pieds sur terre et que la mélodie mozartienne, dont parle si bien Richard Strauss, commence par trouver corps, donc même forme, parce que sa forme elle-même ne se communique que pour autant qu'elle est devenue sensible. Et c'est dans un chant, mais un chant qui est la simplicité même, et qui s'interdit surtout de faire ce qu'on a toujours fait à l'opéra, c'est-à-dire du décoratif. Mais alors quel est le statut du compositeur dans ce cas, enfin de Mozart en l'occurrence? C'est celui qui crée la mélodie, qu'il l'incarne dans des personnages qui vont chanter cette mélodie. Il est simple traducteur de quelque chose qui le dépasse? Le compositeur est traducteur de toute façon de quelque chose que personne n'a défini mieux que Joe Bousquet quand il disait « traduit du silence ». Le musicien est quelqu'un qui traduit le silence en quelque chose d'audible et de merveilleusement audible. Et cela vient de loin, Dieu sait, et c'est une transcendance, Dieu sait. Il n'y a pas besoin d'aller chercher dans des grands systèmes et dans de grandes escalades. C'est là, ça affleure. Et dans Figaro, il y a eu cette espèce de rencontre. Derrière tous les coups d'éclat du génie, il y a essentiellement une rencontre. Mozart, avec Figaro, a trouvé une occasion de mettre les pieds sur terre et de faire chanter la terre, si je puis dire, au lieu de faire chanter des armures qui marchent en cadence. Je ne peux pas le dire autrement, c'est ce sens de l'humain. Et je dirais, il y a chez Mozart, qui est un grand philosophe à cet égard, il y a chez Mozart un sens de l'humain dont il ne dérive jamais, quels que soient les chemins dans lesquels on peut le voir s'aventurer. Comme il y a chez Platon ce sens perpétuel du sensible qui est notre seul lieu, qui est le lieu où nous n'avons pas seulement nos pieds, mais nos sens, c'est-à-dire tout ce qui va donner lieu à notre pensée subséquemment. Et la différence, c'est que Platon, en un sens, et c'est son métier, sait qu'il essaye de montrer un passage entre deux choses qui, normalement, se disent zut. Alors que Mozart, c'est son métier à lui de faire cela spontanément. Mais le faisant spontanément, il est plus philosophe que ne sont jamais les philosophes, parce que lui, il trouve sans chercher. Mais justement, est-ce que vous ne trouvez pas, André Tuboeuf, vous qui avez enseigné la philosophie toute votre vie à Strasbourg, qu'écouter Mozart, peu découragé à faire de la philosophie, puisque écoutez, tout y est. Non, pas du tout, parce que écouter Mozart et faire écouter des Mozart, faire écouter Mozart, c'est déjà de la philosophie. Et de la bonne écoute, c'est apprendre les choses les plus merveilleuses de mon point de vue et du leur que j'ai jamais faites avec mes élèves pendant 35 ans d'enseignement, c'est de les obliger à écouter quelque chose. C'est-à-dire se taire et laisser la chose parler en eux. Je l'ai fait en leur lisant le Soulier de Satin, je l'ai fait même en amenant en classe, enfin, de quoi leur faire entendre Carmen ou les... Mais on apprend quelque chose en écoutant, si je puis dire, à vide. C'est-à-dire, en tout cas, en ôtant l'obstacle propre de sa personnalité, ses goûts, sa recherche, son activisme. Et pour une fois, se laisser faire par quelqu'un qui, à la fois, est très loin et tout près. Vous venez de définir la radio, André Tubin. Ouais, on va faire silence aussi pour écouter un autre texte que vous avez suggéré, un texte du compositeur et chef d'orchestre Reynaldo Hahn, qui parle de Mozart en se plaignant de la mauvaise image que l'on a de Mozart, et il propose la sienne. Écoutez. On n'en finirait pas si l'on voulait citer tout ce que des gens éminents et dessalés ont écrit dernièrement sur Mozart, sur sa divine inconscience, sur sa pureté, sur le don céleste grâce auquel il rajeunit les cœurs et leur rend la fraîcheur de leurs premières années. Pour ma part, car après tout je peux bien moi aussi parler un peu de Mozart, il m'est impossible de le concevoir uniquement comme un ange consolant et inconsciemment régénérateur qui répand une rosée vivifiante sur les pauvres âmes meurtries par la seule magie de ses inspirations sereines et de son enjouement séraphique. Comme tous ceux qui se sont avisés dès leur jeunesse de l'aimer, de l'étudier et de le connaître, je vois en lui bien autre chose encore. Que reste-t-il, par exemple, du petit Mozart, de l'enfant radieux, du malicieux adolescent, du jeune homme tour à tour timide et hardi qui faisait la cour aux sœurs Weber et plaisantait avec leur mère, dans la fantaisie en ut mineure pour piano. Dès les premières mesures du sombre exorde, on est envahi d'angoisse. Et ce malaise s'accentue à mesure que se déploie, sur des basses profondes et vacillantes, un thème plaintif et implorant, dont l'alarme, un instant, s'apaise, pour faire place à un moment de calme, bien court hélas, et suivi presque aussitôt d'une nouvelle alerte. Mais ce n'est plus d'affres morales qu'il s'agit maintenant, c'est, dirait-on, d'une appréhension, d'une frayeur, d'une attente. Que va-t-il donc se passer de sinistre? Puis, nouvelle trêve, on respire un instant. Et ces oppositions douloureuses d'allègement et d'effroi se prolongent jusqu'à l'andantino confiant, suppliant, avide de bonheur et de paix. Vaine espérance. Le premier thème reparaît, insiste, l'âme qui l'obsède est aux abois, torturée en même temps par des craintes de toutes sortes, épuisée par l'effort qu'elle tente pour se délivrer d'un fardeau qui l'écrase et, à la dernière mesure, bafouée, repoussée, rejetée sans merci par un non impitoyable. Quelle image sombre de Mozart nous est proposée ici, André Tuboeuf? On est à l'opposé du Mozart léger, joyeux et bienveillant qu'on présente bien souvent. Ici, Reynaldo Hahn parle d'angoisse et de ce non impitoyable qu'on entend dans la fantaisie en ut mineure pour piano. Bien sûr, d'abord remarquons-le, il se sert à nu de l'interprète le plus simple qui soit, c'est-à-dire le piano, seul instrument capable à lui seul d'exprimer tant de choses et d'ouvrir tellement d'horizons. On n'a plus les facilités et les facticités du théâtre, c'est-à-dire ce qu'on avait même avec le monologue de la comtesse auparavant, n'est-ce pas? On avait tout de même la nécessité, voilà, qu'il y ait une coiffure, qu'il y ait des gestes, qu'il y ait une robe, qu'il y ait un décor, le château, comment il s'appelle, d'Aguas Frescas, et... Alors, il fallait tout cela pour pouvoir l'abolir tout d'un coup, et que ne reste que ce chant qui dit tout. Alors, quand on se confie au piano seul, comme il le fait dans la fantaisie en ut mineur, la concentration est encore infiniment plus grande. Il n'y a pas la dispersion propre à l'opéra, qui amène ensuite de merveilleuses, si je puis dire, merveilleux zooms, mais enfin la dispersion propre à l'opéra, où il y a du monde autour, où il y a des choses autour. Là, le piano nu, il n'y a rien. Et il n'y a ici que cette couleur grave, cette couleur heurtée, qui signifie simplement, chez le compositeur, sans aucun appui, sans l'aide d'aucun livret, ni d'aucune imagination qu'il puisse transmettre ou présupposer chez l'autre. L'accession commune entre celui qui parle et celui qui écoute. L'accession commune à une source profonde. Celui qui parle, c'est l'interprète? C'est celui qui joue? Celui qui joue, c'est l'interprète. Qui parle, mais qui joue. Celui qui joue, c'est l'interprète. Et Richter, en l'occurrence, dans ce qu'on vient d'entendre. Mais oui, Richter, comme toujours, exagère un peu, enfin, dans sa volonté de démontrer ici le caractère absolument novateur et en quelque sorte mieux que prophétique, apocalyptique en l'occurrence, de ce qu'on a entendu. Enfin, mais c'est le même Mozart qui parle de la même manière aux mêmes gens. Il y a des gens qui ne prendront pas la fantaisie en ut mineur parce qu'ils diront c'est trop aride, c'est trop grisâtre, et une sorte de préjugé leur fera dire que pour retrouver le Mozart joli, voilà, ils aillent plutôt chercher du côté où il y a des cerceaux et des plumes. Mais alors là, ils s'apercevront qu'il n'y a jamais des cerceaux et des plumes chez Mozart. Que même quand on donne l'impression qu'on est dans le divertissement et qu'on est là pour s'amuser, comme dans la flûte enchantée plus tard, on est aussi au même cœur de la même chose. Mozart n'a jamais eu le choix. Il n'a jamais fait autre chose que faire le choix, cela. Que de composer ce qu'il a composé. Jamais. Il a recueilli en lui-même toutes les formes que son papa lui avait inculquées comme étant celles en existence et assez bonnes pour qu'on n'ait pas à chercher tout de suite comment faire pour aller au-delà d'elles. Tout vient de son père, vous dites. Ah bah oui, le Léopold qu'on voit parfois qui joue du violon derrière Mozart dans les tableaux. Ça vient de son éducation, ça vient de l'éducation prodigieusement professionnelle que lui a donnée son père, avec à la fois les années d'apprentissage et les années de voyage, enfin comme vraiment dans un vrai Bildungsroman. Et un roman de formation. Et Mozart a pris tout cela, au point... Alors, que serait-il devenu après avoir épuisé ses formes, comme il est mort à 35 ans? Mon Dieu, nous ne savons pas. La chose que nous savons, c'est qu'il avait épuisé une forme d'opéra. Il avait épuisé une vérité possible de l'opéra, pour son époque, avec Così fan tutte, en allant vraiment dans l'abstraction et dans la pureté des lignes, et une sorte de géométrie possible des lignes, aussi loin qu'il est possible d'aller. Mais il reste au sol, et quand même il voudrait s'envoler dans le divertissement, ce qu'il retrouve c'est sous le nom de fantaisie, quelque chose de baudelairien, quelque chose de presque post-romantique, qui ne signifie pas du tout fantaisie au divin mensonge comme dans l'Acmé, mais fantaisie, c'est-à-dire fantasme et usage dur de l'imagination créatrice, la laissant libre de former et de modeler comme elle l'entend, c'est-à-dire en dehors toute règle. Et c'est sur ce modèle-là que Beethoven, 40 ans plus tard, composera les deux quasi una fantasia, qui sont le contraire, voilà, d'une fantaisie au divin mensonge. Oui, les fantaisies chez Mozart sont les pièces les plus sombres. Ah ben complètement. Et pourtant, elles portent bien leur titre. Elles sont ouvrages purs de l'imagination. Donc ce que vous dites, c'est qu'entre les fantaisies, les sonates, les opéras, les concertos sans doute, les quintettes, les quartettes, Mozart n'a jamais cessé de vouloir dire la même chose. Non, absolument. C'est la thèse de Bergson dans l'histoire de la philosophie, hein, que chaque philosophe a une idée tellement simple, extraordinairement simple, bien sûr. Que c'est pourquoi il a parlé toute sa vie. Mais chez Bergson, si vous voulez, et chez les philosophes en général, il n'y a pas comme chez Mozart cette espèce de qu'on pourrait appeler pulsion. Je vais là. Je me précipite dans vos bras, comme chez Rumin, dans ce que nous avons entendu tout à l'heure. Chez aucun philosophe que je sache. Sans passer amoureux. On ne trouve. Mais oui, peut-être, absolument, parce que je veux dire, la philosophie n'est pas amour de la Sophie, au sens où l'amour de la musique est un amour. Et il y a quelque chose d'usurpé dans cette prétention de la philosophie à vouloir dire qu'on aime. Oh, il y a quand même des philosophes qui ont ce rapport amoureux et gourmand. J'entends bien, à l'écriture. Non, j'entends bien. Mais enfin, ce n'est pas dans leur pensée en tant qu'elle est pensée que cet amour s'exprime réellement. Cet amour s'expliquerait plutôt dans leur débordement, dans leur coin de fantaisie, justement dans les plis d'aisance qu'ils se donnent à eux-mêmes en dehors de leurs stricts vêtements philosophiques. Alors que chez Mozart, il y a peut-être cette idée unique, mais qui n'est pas une idée, qui est la communication avec les idées en général. C'est quoi, c'est une intuition? On dirait. Ça pourrait être l'intuition si ça se cherchait un modèle et un repère, mais à mon avis, j'irais presque plus à un instinct pour l'animal Mozart, ou l'animal ange qu'est Mozart, mais enfin de toute façon, quelque chose qui ne remplit pas toujours la bonne place du côté homme, simplement homme, avec entre la charmante bête. L'animal, c'est beau, l'animal, c'est merveilleux, l'animal, ça peut aimer, l'animal. C'est pas du tout pour rabaisser la chose qu'on dit l'animal, et de l'autre côté, l'ange. Mais la chose certaine, c'est que dans ce 18e siècle, qui par ailleurs a tellement fait pour coincer en quelque sorte la pensée entre des mots à majuscules, Mozart est là dans sa fantaisie. Et alors la fantaisie au sens propre est créateur et déjà pré-romantique. Si on lui enlève la couleur de chagrin particulier et Dieu merci momentané qu'elle assure dans la fantaisie en ut mineur, si on en revient, mettons, à la fantaisie en ré, ça ne portera pas du tout la même connotation un petit peu lugubre, surtout comme Richter en rajoute. La même idée exprimée à travers des médiums différents, on peut en effet faire un parallèle, par exemple, entre la fantaisie en ut mineur que nous avons entendue et l'air d'Elvire. Ah. On va en arriver au terme de l'émission, il faut quand même qu'on en parle de cette pauvre Elvire dans Don Giovanni, qui a été trompée par Leporello déguisé en Don Giovanni. Anna et Ottavio se sont jetés à la poursuite de Don Giovanni, et elle avoue malgré tout, alors qu'elle sait tout de Don Giovanni, elle sait qu'il est un séducteur, qu'il l'a trompé, qu'il lui a menti, qu'il l'a bafoué, que malgré elle, elle l'aime quand même, Don Giovanni. Et le ton de cet air que vous allez entendre, interprété par Louise Elleux-Krugbeer, est assez proche de celui de la fantaisie que nous avons entendu. Il en est plus proche que vous ne croyez. On tâchera d'en parler tout à l'heure. Qui avait une bonne oreille, André Tupeuf, vous aurez peut-être remarqué que l'enregistrement date de 1935, d'où le léger crépitement qui vient recouvrir la voix, qui lui sied à merveille. Ça ne s'entend pas. Vous savez, ces disques de Glyndebourne sont une merveille qui a révélé à des quantités de gens ce que pouvait être Mozart. C'était tout d'un coup le vrai Mozart d'opéra, mis à portée de tout le monde. Voilà, c'est l'orchestre du festival de Glyndebourne. Mais alors, ce que je remarque constamment dans ce prodigieux air, c'est son élan immédiat. Il se précipite, mais cette fois-ci, comme chérubin, en quelque sorte, se précipiter dans nos bras pour dire son débordement. Elvire se précipite vers nous pour dire son renfermement. Il y a là une pratique de second degré qui est très prodigieuse, car on entend dans ses vocalises quelque chose qui est à la fois la joie de chanter, parce qu'autrement ce ne serait pas possible, la joie d'exister malgré tout, parce qu'autrement ce ne serait pas possible, et le reproche. Comment une pareille chose, comment un pareil attentat à l'amour a-t-il été possible? Et ce personnage d'Elvire, si longtemps sacrifié, est aussi celui qui, à la fin de l'opéra, va venir annoncer à Don Giovanni dans son festin que le surnaturel est en marche. Le commandeur. Qu'elle entend, oui, mais c'est dire le surnaturel, que le surnaturel est en marche. Elle est prophétrice et prophète et annonciatrice. Et annonciatrice de cela. Et nous aurions pu mettre avant cet air, le récitatif prodigieux qui le précède, et où Elvire, dans une modulation musicale, comme jamais on en avait entendu, et comme certainement il ne se trouvait pas dans les codes et les catéchismes de Léopold Mozart, le papa, annonce quelque chose comme le néant, ou l'abîme, la prémonition, alors là, pour le coup, et pas du tout la réminiscence, la prémonition de quelque chose qui est fatal et qui surviendrait, et à quoi on n'échappera pas, le sentiment d'une fatalité et d'une nécessité. Et c'est, que je sache, le seul endroit dans toute la musique de Mozart où, à travers un personnage, et par conséquent, avec quand même voilà des repères, on n'est pas dans la musique pure, Mozart est métaphysicien. Et nous parle sciemment au nom d'un ailleurs. Et dans la musique de Elvire, dans ses vocalises de l'air subséquent, cette musique frissonne et met de la chair de poule, si je puis dire, au chant d'Elvire. Ce qui est un effet très typique, mais rarissime. Rarissime, qui est simplement la convenance aux circonstances particulières. Je retiens que vous avez quand même employé l'expression de joie d'exister. Oui, oui, bien. Bah, dans cette révolte, ce scandale que vit Elvire, il y a un acquiescement avant le non. Mais Mozart n'est pas concevable sans la joie d'exister. Y compris dans la douleur. Mais y compris la douleur et la souffrance, bien entendu. Il a la chance, il sait qu'il a la chance, lui, de transmuer cette expérience qu'il fait de la douleur, quelle que soit cette douleur, en quelque chose qui chante. Et le chant est toujours libérateur, le chant est toujours libération. Le chant, dans sa plus grande simplicité et sa plus grande nudité, est toujours, si je puis dire, le cri même de l'âme. Et s'il y a une mélodie mozartienne qui soit comme la forme essentielle et non encore existentielle de notre sensibilité, eh bien, de la même manière, ici, on a un modèle absolu. La joie, quoi qu'elle coûte. Et on en reprendrait s'il y avait à en reprendre, de la même façon. Comme on sent toujours, chez Platon, le perpétuel Socrate qui se raccroche, qui conteste tout au pouce par pouce, qui défend le territoire. Et le 19e siècle et les un ou deux qui ont précédé ont infligé à Platon un outrage dont il s'est à peine relevé en disant voilà que chez Platon on ne parle que de la mort et de Socrate on ne montre que le jour qu'il a passé à attendre en effet la mort dans sa prison. Mais enfin, ça c'est un jour pendant lequel il a pensé à la mort. Tous les autres jours, nous avons la preuve qu'il pensait à son outil, son instrument, son adversaire, mais avec la joie pratique de l'affronter. Mozart, Platon, un même point commun, cette joie d'exister et aussi d'affronter ses adversaires. Un immense merci André Tuboeuf d'être venu nous parler de Mozart ce matin. Je renvoie à votre livre qui s'appelle Mozart, Chemins et Chants aux éditions Actes Sud. Et un autre livre sur Mozart paraîtra bientôt, il s'appelle Mozart, le visiteur. On se quitte avec une dernière mélodie de Mozart pour terminer cette semaine sur la philosophie de Mozart. Alors, une mélodie qui n'est pas du chant, c'est la 40e symphonie. On n'a pas encore parlé, figurez-vous, au cours des 4 derniers jours. C'est d'abord Frédéric Lodéon, le chef d'orchestre et producteur sur France Musique, qui la commente. Et puis, une interprétation, disons, moderne de cette 40e symphonie. Le thème de la 40e symphonie, le premier thème qui est incroyable parce que c'est haletant, parce que c'est pas justement Mozart d'habitude à la politesse du cœur et de l'éducation, c'est-à-dire qu'il essaye toujours de masquer sa tristesse, très souvent. D'ailleurs, c'est ce qu'on l'a reproché quand on l'aime pas, on dit oui, mais c'est toujours un peu un homme en dentelle et en perruque, et là, il est mondain un petit peu, mais bon, il y a des choses qui effectivement sont un peu marquées par l'époque et par les conventions de l'époque, mais quand il se livre là en 1788 et qu'il écrit ce fameux tiladam, tiladam, tiladam, tiladam, tiladam, tiladam, tiladam, tiladam, C'est d'une telle fluidité. Et puis, il y a en dessous, il y a les altos qui jouent. Il y a une espèce de frémissement immédiat. On entre tout de suite dans le sujet. Et là, il ne se cache plus du tout. On a l'impression qu'il est désespéré. Constance, on le sait, n'est pas là. Il a des gros problèmes d'argent. Sa santé est vacillante. Et puis, il est ignoré des Viennois, maintenant qu'ils l'ont un peu oublié. Et il a quelques rares amis, quelques francs-maçons notamment, et qui lui donnent quelques billets de temps en temps, quelques pièces, mais c'est très difficile pour lui. Et là, j'ai l'impression que c'est un Mozart qui est tout nu. Il se livre totalement, il n'y a plus aucune convention. Personne n'a commencé une symphonie comme ça, juste des batteries d'alto, des notes répétées, et puis tout de suite le thème qui entre et qui nous bouleverse. Mozart, c'est le début de la 40e symphonie, pour moi. Lama Bada, qui reprend la 40e symphonie de Mozart. C'est dans Mozart l'Égyptien, arrangé par Hugues de Courson sur France Culture, les chemins de la philosophie. Il est temps de retrouver le journal de la philo de Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vous nous parlez d'une notion qui n'a pas le vent en poupe. C'est le moins qu'on puisse dire, Adèle, puisque je vais vous parler de vérité. Cette notion si chère aux philosophes que l'on étudie sous toutes ses coutures en terminale, mais qui en ce moment est fortement chahutée. Fake news, réseaux sociaux, complotisme, populisme ou critique, la vérité a-t-elle encore quelque chose à nous dire ? La véracité dans les déclarations que l'on ne peut éviter est le devoir formel de l'homme envers chacun, quelque grave inconvénient qu'il en puisse résulter pour lui ou pour un autre. Et quoi qu'en y altérant la vérité, je ne commette pas d'injustice envers celui qui me force injustement à les faire, j'en commets cependant une, en général dans la plus importante partie du devoir, par une semblable altération. Et dès lors, celle-ci mérite bien le nom de mensonge. En effet, je fais en sorte, autant qu'il est en moi, que les déclarations ne trouvent en général aucune créance, et que par conséquent aussi tous les droits qui sont fondés sur des contrats s'évanouissent et perdent leur force, ce qui est une injustice faite à l'humanité en général. Sentant le vent de la vérité tourner, plusieurs ouvrages paraissent à l'heure actuelle sur le sujet. Et il faut mentionner en premier lieu la nouvelle traduction du droit de mentir de Kant, court texte de 1797 dont on vient d'entendre un extrait, « Le droit de mentir est une réponse à Benjamin Constant ». Tout commence donc par Constant qui s'oppose franchement au principe moral selon lequel dire la vérité est un devoir. Principe défendu au départ par Kant. Et Kant, à son tour, de lui répondre en quoi la vérité est un devoir et quel type de devoir, inconditionnel ou circonstancié, et enfin pourquoi un droit de mentir n'a pas de sens. Cette controverse entre Constant et Kant est passionnante, car au fond l'enjeu est celui de ce que je dois à l'autre et de ce qui permet du coup de fonder une communauté. Constant, pour sa part, n'envisage pas une seule seconde qu'une société soit possible en vertu du principe de vérité. Le mensonge serait au contraire le moyen de se protéger soi et l'autre. On peut ainsi penser à celui qui cache quelqu'un chez lui ou tout simplement au vernis social. Kant, à l'inverse, voit la vérité comme la condition même de tout échange réglé, moral, honnête entre les hommes, soit la possibilité même de la société. Lorsque l'on cherche des informations sur Internet, on tombe parfois sur des sites fiables, comme celui-ci, et parfois sur des sites qui ont l'air fiables, mais qui en fait ne le sont pas. Alors, comment faire la différence entre l'un et l'autre ? Eh bien, pour cela, vous pouvez utiliser Décodex, un outil développé par Le Monde pour vous aider à vérifier les informations qui circulent sur Internet. Aujourd'hui, à l'ère de la parole libérée et de la défiance généralisée, que penser ou tirer de cette controverse entre Constant et Kant sur la vérité et le mensonge? Entre la multiplication des points de vue qui se disent vrais et en miroir, celui du fact-checking qui se veut neutre comme la vérité, comment ne pas se tromper? Qui a raison? La controverse entre Kant et Constant se positionnait sur le terrain de la morale et de la politique, mais aussi dans un contexte où parler de vérité avait encore un sens. Aujourd'hui, on en parle encore, mais pour la relativiser, pour la critiquer, pour prôner la sienne contre celle d'un autre, la vérité a-t-elle encore un sens? Eh bien, on peut croire que non, comme en témoigne l'émergence de ce nouveau concept de post-vérité, et comme en témoigne la parution conjointe de deux essais qui en font leur sujet. Le premier, celui de Manuel Cervera-Marzal, Post-vérité, pourquoi il faut s'en réjouir, est assez clair dans son titre. Et si oublier la vérité était la possibilité de repenser la démocratie, de la repenser autrement qu'en termes de vérité. I think it was disgraceful. That the intelligence agencies allowed any information that turned out to be so false and fake out. I think it's a disgrace. Since you're attacking us, can you give us a question? Go since ahead. No, Mr. President-elect. Go ahead. Go ahead. Since you are attacking no, our news not you. Organization, not you. Can you give us a chance? Your organization is terrible. You are attacking our news organization. Your organization is terrible. Let's go. Ask a question, sir. Go ahead. Sir, quiet. Can, quiet. Mr. President-elect. Go ahead. She's asking a question. Don't be rude. Can you give us a question? Don't be rude. Can you give us a question? Don't be rude. No, I'm not going to give you a question. I'm not going to give you a question. You are fake news. Kant et Constant associent la vérité à la politique, à la constitution et à la viabilité d'une communauté. La post-vérité peut nous appeler à dissocier ce lien. Mais à quel prix et pour asseoir la démocratie sur quoi? À écouter Trump, peut-on jamais se passer de vérité pour croire en l'autre et en une communauté ou pour justement pouvoir critiquer cette communauté? Dans son essai, Manuel Cervera-Marsal finit sur l'idée qu'un lien avec la vérité ne se perd jamais vraiment, mais qu'à celle-ci, il faut substituer le vrai. Les échanges vrais, par exemple. Dans un autre essai, c'est le deuxième qui paraît sur la post-vérité, Post-vérité et autres énigmes, Maurizio Ferraris analyse l'émergence de ce concept. Ni défenseur d'une hyper-vérité ou d'une hypo-vérité, il finit lui aussi sur une théorie progressive du vrai, où il s'agit de faire vérité, de faire éclater la vérité. Comme quoi, au final, dans post-vérité, il y a toujours un peu de vérité quand même. Je remarque que pour Trump, you are fake news, la post-vérité, en fait, c'est une insulte. Complètement. Ce qui est intéressant. Alors, les livres que vous nous conseillez de lire sur ce sujet? Post-vérité au training de Maurizio Ferraris aux éditions PUF. Post-vérité, pourquoi il faut s'en réjouir de Manuel Cervera-Marsal aux éditions du Bord de l'eau. Et puis, bien sûr, Kant, Emmanuel Kant, aux éditions du CERF. C'est une nouvelle traduction et un nouveau commentaire. Du droit de mentir. Du droit de mentir. Bien. Merci Géraldine. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Un grand merci à Thomas Beau pour la réalisation de cette semaine sur Mozart et l'excellent travail immense accompli à cette occasion. Un grand merci à Mathieu Tarpin qui a préparé cette émission et un immense merci comme chaque jour, chaque semaine et chaque année à l'équipe des Chemins de la Philosophie composée d'Isis Jourda, Géraldine Mosna-Savoie, Colomba Grossi, Anaïs Isbert, Shem Soda était à la lecture des textes cette semaine, c'était Clément Daté à la prise de son aujourd'hui. On se retrouve demain pour un Profession Philosophe, vous savez la formule du vendredi. On vous emmène chaque vendredi à la rencontre de ceux qui ont fait de la philosophie leur métier ou qui la pratiquent de manière inattendue. Ce sera le cas demain en compagnie de Delphine Horviller. D'ici là, pour écouter cette série d'émissions sur Mozart, c'est très simple. Rendez-vous sur le site de France Culture, page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez réécouter chaque émission en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster, pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez, à volonté. Rendez-vous également sur les réseaux Instagram, Twitter, Facebook, où nous attendons vos remarques et commentaires. À demain, 10h précise. Nous, on sera là. Quant à vous, restez à l'écoute sur France Culture.